Deuxième lettre. Ô peuple, quand je t'écrivais, il y a quelques jours, tu vas être aimé parce que tu es digne de l'être. Je ne me trompais pas, et ma foi, sur ce point, est restée inébranlable. Tous les jours, dans le domaine de la réalité qui se touche au doigt, nous voyons qu'un individu méconnu et calomnié recouvre d'autant plus d'estime et d'affection qu'il a moins mérité de perdre l'affection et l'estime d'autrui. Comment n'en serait-il pas de même dans la vie générale, à l'égard d'une classe immense, outragée par la peur des lâches, réhabilitée par son propre héroïsme? Mon espérance n'est donc pas une illusion généreuse. C'est un raisonnement positif, vulgaire, même à force d'être prouvé. Mais où j'ai failli, où j'ai rêvé comme un enfant, j'en conviens de tout mon cœur, c'est dans la courte durée du temps que j'attribuais, dans ma pensée, à cette prompte réconciliation, à cette solennelle effusion de fraternité, à cette confiance sans bornes qui devait rapprocher dès aujourd'hui toutes les classes et rendre les privilégiés d'hier jaloux de se perdre et de se confondre dans les rangs glorieux du peuple. Pardonne-moi, peuple, de t'avoir trompé. Va, j'étais de bien bonne foi. Pouvais-je croire, pouvais-je imaginer seulement, pouvais-je trouver dans mon propre esprit l'idée d'une rancune, d'une ruse, d'une trahison, d'une ingratitude possible de la part d'un seul de mes semblables après de pareils jours? Non, j'aurais cru outrager l'humanité dans mon cœur, en doutant à ce point du retour sincère et complet de tes ennemis. Eh bien, quelques jours se sont écoulés et mon rêve n'est pas encore réalisé. J'ai vu la méfiance et l'affreux scepticisme, funeste héritage des mœurs monarchiques, s'insinuer dans le cœur des riches et y étouffer l'étincelle prête à se ranimer. J'ai vu l'ambition et la fraude prendre le masque de l'adhésion, la peur s'emparer d'une foule d'âmes égoïstes, les amers ressentiments se produire par de lâches insinuations. Ceux-ci cacher et paralyser leurs richesses. Ceux-là calomnier les intentions du peuple, faute de pouvoir condamner ses actes. J'ai vu le mal enfin, moi qui n'avais vu que le bien, parce que j'avais tenu mes regards attachés sur toi. J'ai vu des choses que je ne pouvais pas prévoir, parce que, aujourd'hui encore, je ne peux pas les comprendre. Sortons de nous-mêmes, pourtant. Essayons de constater et d'expliquer ces choses déplorables. La charité nous commande cet effort si nous voulons être justes, car la justice sans charité n'est plus la justice, et personne ne comprend cela comme toi, peuple aux grands instincts, coutumier des grands actes de miséricorde. Toutes les fois que nous voudrons appliquer la justice selon les lois divines, c'est-à-dire avec une pensée supérieure aux lois humaines du passé, nous verrons que cette justice même nous commande la pitié pour toute vengeance. Sachons donc pourquoi ils ne sont ni braves, ni généreux, ces hommes qui nous méprisaient et nous faisaient la guerre, il y a quelques jours, et que nous n'avons ni châtiés, ni humiliés, ni menacés depuis que nous sommes les plus forts. Voici, peut-être. Ils ne comprennent pas. Oui, c'est tant simple. Ils vivaient seuls, ils vivaient entre eux, c'est la même chose. Ils ne voyaient pas, ils ne connaissaient pas le peuple. Le peuple ne s'était pas répandu sur la place publique. Ils vivaient dans les ateliers, et le dimanche, on ne s'en rencontrait point, les riches ayant coutume de se renfermer et de se cacher ce jour-là. Et puis la vie du peuple était toute cachée aussi, toute concentrée dans son cœur. Il ne lui était pas permis d'agir, de parler, de respirer, de vivre en commun. Toute réunion sympathique au dehors était surveillée, ou dispersée, ou violentée. On ne savait point si le peuple avait les mœurs de la liberté. On croyait qu'une fois maître du forum, il y sacrifierait des victimes humaines. On avait les visions maladives qui se lèvent dans la solitude. Les hommes sont si peu mauvais naturellement que quand de mauvaises institutions changent leurs instincts et faussent leurs besoins, ils deviennent insensés. Ainsi, tandis que les idées tournaient à la folie, les sentiments tombaient en paralysie. Tu t'es levé dans ta force, et on a vu que ta vraie force, c'était ta bonté. Alors, chez quelques-uns, la peur s'est changée en une confiance exagérée. « Ce peuple n'est pas méchant, » ont-ils dit. « Il n'a d'effrayant que l'aspect. Par la douceur, on peut le prendre. Par de belles paroles, on peut le séduire. Voyez comme il est patient. Voyez comme il est simple. En vérité, nous avions tort de le craindre et de l'enchaîner. Nous eussions pu lui donner plus de liberté. Il n'en eût pas abusé. Arrière, la royauté qui nous a privés si longtemps d'un instrument aussi docile et aussi malléable. Notre pouvoir n'eût pas été ébranlé par la violente secousse d'hier si on eût accordé le suffrage universel il y a 10 ans. Comment donc ? Mais c'est un plaisir que d'avoir affaire à des électeurs qui ne comprennent rien aux mécanismes des intérêts publics et qui ont la droiture et la candeur de l'enfance. Un peu de patience, et nous le mènerons où nous voudrons. Or donc, vive la République ! Nous déclarons que nous avons toujours été républicains, et quand nous nous disions conservateurs, c'était pour mieux trahir et précipiter la monarchie. À présent, concertons-nous. Affectons une grande et soudaine terreur, ce bon peuple aura pitié de nous et, un peu vain de sa réputation de générosité, il nous rassurera, il nous caressera pour nous engager à rouvrir les sources de la fortune publique, selon le procédé bien connu du luxe, dont il ne peut pas encore se passer d'être l'instrument et la victime. Certainement, vive la République ! Resserrons nos dépenses, frappons de mort pour un instant nos capitaux, afin de frapper le travail. Et quand le bon peuple verra qu'il ne peut pas vivre, si nous ne voulons pas qu'il vive, il viendra à nous et nous vendra son vote, c'est-à-dire sa liberté, sa conscience, son avenir. Une fois maître du terrain, nous lui ferons des lois libérales, ce qui signifie ayant une apparence de liberté, mais d'où la véritable liberté sera escamotée. Et puis nous recommencerons à le faire travailler, nous augmenterons quelque peu son salaire et tout sera dit. Alors, 3 fois, vive la République ! Voilà comment ces hommes-là raisonnent. Eh bien, ces hommes-là sont fous. Ils croient que le peuple est niais parce qu'il est probe. Ils le croient stupide parce qu'il est généreux. Entre ces hommes-là et le peuple, il y en a d'autres qui ont encore peur parce qu'ils n'ont pas trouvé de courage dans une inspiration perverse. Ceux-là sont peut-être sincèrement républicains, mais ils ne comprennent pas la portée sociale de la Révolution, et ils ne connaissent pas le peuple non plus. « Prenez garde, » disent-ils, « le peuple est plus fin que vous ne pensez. Il comprend fort bien ses intérêts, et si vous le trompez, il vous brisera. Il est communiste au fond, il veut faire table rase, et il n'en cherche que le prétexte ou l'occasion. Il fera voler en éclats les portes de l'Assemblée constituante et vous serez forcés de vous sauver par les fenêtres. Pendant que les ouvriers de Paris violeront ainsi le sanctuaire de la légalité sur tous les points de la France, les ouvriers des provinces briseront vos machines, brûleront vos forêts, pilleront vos domaines. Nous aurons la guerre civile. Vous verrez recommencer les horreurs du passé. Et les passions que vous aurez allumées ne respecteront rien. Adieu la civilisation, adieu la France, adieu l'humanité. Ce sera un cataclysme universel. Quant à nous, nous sommes convaincus qu'il faut faire tout ce que veut le peuple. Comment donc ? Tout et plus encore. Vous trouvez le gouvernement provisoire trop patient et trop humain ? Nous le trouvons trop ferme et trop équitable. Il nous tient sur un volcan. Hélas, nous n'avons qu'une ressource, c'est de flatter le peuple. Vous vous vantez de lui couper les ongles ? Nous, nous lui baiserons les griffes. Ce cher peuple, ce bon peuple, doublons son salaire d'emblée et ne lui laissons pas le temps de demander quelque chose. Mettons-nous à sa merci. Il est si bon que si nous faisions mine de le contrarier, il nous mettrait en pièces. Peuple, méprise les flatteries des poltrons et déjoue les artifices des traîtres. N'estime pas ceux qui te ménagent par crainte, n'estime que ceux qui vont vers toi la poitrine découverte, quand même tu es irrité, et qui te disent en face « Expliquons-nous ». Jamais, dans l'avenir, tu ne recommenceras le passé. Dans le passé, tu as été l'homme du passé, tantôt sublime, tantôt criminel. Reconnais la faute de tes pères, et pourtant vénère et bénis le nom et la mémoire de tes pères. Ils ont eu les vertus de l'avenir en dépit des égarements du temps où ils vivaient. C'est pour cela qu'ils sont à la fois grands et coupables. Et ceux qui haïssent et condamnent les pères d'une manière absolue font le procès à Dieu même, qui n'éclaire la conscience humaine que par degrés. Mais tu serais aussi coupable de recommencer littéralement le passé, que nous le serions tous de maudire l'histoire de l'humanité et la loi de la perfectibilité fondée sur l'imperfection même. Oh non ! Peuple, le passé n'est pas l'idéal. Le souvenir est lié au regret. L'avenir ne comporte pas la pensée des nécessités fatales. Si l'homme vertueux et enthousiaste tombe parfois dans les égarements qu'il n'avait pas prévus et dont il aurait détesté la prescience, l'homme honnête et religieux n'admet pas la possibilité du mal. Et si l'avenir n'est pas pur pour nous comme le soleil, nous ne sommes pas dignes de la République. La République est un baptême, et pour le recevoir dignement, il faut être en état de grâce. L'état de grâce, c'est un état de l'âme où, à force de haïr le mal, on n'y croit pas. Fie-toi donc à ceux qui se fient à toi. Ceux-là seuls sont en état de grâce. Fais demain ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire n'obéis qu'à la vérité. Mais cède toujours devant la vérité. Souris donc de pitié devant ceux qui te flattent, que ce soit pour t'égarer à leur profit ou pour se préserver de ta colère. Laisse-les passer et ne reçois de leçons que celles de ta conscience où l'idéal a pénétré. Ne te venge de ces frayeurs qui t'insultent que par le calme du dédain. Tu n'auras plus jamais besoin de frapper, car personne n'osera jamais plus te porter le premier coup. Que tes vivantes murailles s'interposent tranquillement pour forcer l'humanité au respect d'elle-même. Cette muraille est invincible, c'est la pensée d'un grand peuple. Elle sera aussi impénétrable au souffle de l'imposture qu'elle l'a été à la mitraille du canon. Je ne parle point ici, en particulier, à quelques-uns qui ont encore l'instinct de la violence et qui brisent par ignorance, en quelques endroits, ces machines destinées à devenir le salut de l'ouvrier. Il n'est point de famille où il n'y ait quelque enfant terrible. Et quand on parle à la famille, c'est par le silence gardé en public sur les fautes individuelles qu'on fait sentir ces fautes à l'individu. Mon rôle n'est point ici de faire une police de détails. C'est toi que cela regarde, peuple justicier, qui te moralise et te réprime de ta propre voix et de tes propres mains. Quelques incidents fâcheux ne dérangent rien à l'harmonie des choses humaines, imparfaites de leur nature, encore une fois, parce qu'elles sont perfectibles. Ce qui te domine, peuple, chère et grande famille. C'est la pensée de l'ordre. Tu trouves la société dans un désordre affreux et tu es soudainement inspiré par une pensée de haute sagesse. C'est qu'on ne corrige pas le désordre par le désordre. Quelles que soient les nuances infinies de ta croyance sociale, ton premier soin est de maintenir la société dans l'état où tu la trouves. Tu sais que c'est le seul moyen de la modifier et de la changer. Tu sais qu'en la passant sous le rouleau, tu ne fertiliseras pas une terre qu'il faut commencer par remplir de semences. Ceux qui ont la crainte de te voir agir d'une manière aussi sauvage font vraiment preuve d'idiotisme pour eux-mêmes. Mais avant l'éclosion et la fructification de cette semence que tu vas répandre de tes propres mains en faisant une constitution nouvelle, il faut encore attendre, encore souffrir, sans doute. De quelque façon qu'on s'y prenne, le bonheur absolu n'est pas de ce monde, et tout progrès implique un déchirement, une souffrance, un travail. Il est évident que nous entrons dans une ère de grand labeur, de grandes émotions, et par conséquent de grandes douleurs pour les âmes généreuses. Mais quelle est belle et précieuse, ô peuple, cette souffrance qui va donner la vie aux générations futures. C'est le travail de l'enfantement qui brise le sein maternel et qui réjouit la Providence. Oui, nous entrons dans une grande époque et qui nous était bien due après une si longue et si honteuse inaction. Ne faiblis pas dans l'accomplissement de tes hautes destinées, peuple français, initiateur éternel des nations civilisées. Et ne te plains pas de ton rôle, c'est le plus rude et le plus beau que Dieu est encore confié à la race humaine. Je crois que c'est là ce qu'il faut te dire. À toi, martyr des siècles, fils du Christ. Ils blasphèment également ceux qui disent que l'homme est né uniquement pour souffrir et ceux qui disent que l'homme ne doit pas souffrir. La vérité est que le devoir est de souffrir pour une cause sainte. Pour la cause de tous. Le mensonge, c'est de dire, comme M. Guizot, qu'il faut éternellement des pauvres et que le travail est un frein. Un frein ! Quelle infamie de rabaisser au rôle d'instrument de torture la tâche chère et sacrée que Dieu a donnée à l'homme ! Non, le but de la vie n'est pas la souffrance. Dieu est trop juste et trop bon pour avoir fait du désespoir le terme de cette vie qu'il a placée sous l'égide de l'espérance. Le but, c'est d'être heureux par la foi et par la gloire d'avoir créé le beau et le bien. Le chemin qui mène à ce but, c'est une alternative de souffrance plus ou moins vive et de satisfaction plus ou moins complète. La douleur entre donc dans notre destinée. Et ceux qui veulent s'y soustraire sont des égoïstes. La douleur est sainte. La douleur est bénie du ciel. Non pas la douleur qu'une pensée impie inflige et prescrit à plusieurs au profit de quelques-uns, mais la douleur que chacun accepte au profit de tous. C'est là le sacrement de vie. Recevons-le religieusement, et nous nous sentirons ensuite au niveau des plus grandes choses. Ils te calomnient, ceux qui disent que tu combats pour des questions matérielles et que tu ne vois dans le taux du salaire et dans la durée des heures de travail qu'une condition de bien-être physique. Sans doute, tu as droit à ce bien-être, à ce repos. Mais ceux qui te connaissent savent bien qu'il y a là pour toi une question supérieure à celle du pain qui nourrit le corps. Tu veux le pain de l'âme. Tu veux la lumière, l'instruction. Le temps de lire, de méditer, d'échanger ta pensée avec celle de ton semblable. C'est une conquête intellectuelle que tu réclames. Et ce qui a fait la grandeur de tes pères, ce qui nous oblige de les admirer, alors même que nous déplorons les tragédies de leur existence, c'est qu'au temps des plus épouvantables souffrances matérielles, au temps de la famine, de la guerre et de l'épouvante, ils oubliaient tout pour la vie publique. pour le salut de la patrie, pour la gloire qu'ils nous ont léguée. Nous n'aurons plus les mêmes tragédies, mais nous aurons encore de mauvais jours à traverser. Nous y sommes dès aujourd'hui dans ces jours de souffrance morale et physique. Eh bien, voudrions-nous ne pas y être ? Voudrions-nous ne pas avoir conquis ces larges blessures, ne pas subir cette gêne momentanée, ces privations, cette fatigue de tous les instants ? Non, mille fois non. La République mérite bien tous ces sacrifices. Nous avons encore de la misère à son service, disait naguère un de tes enfants sur la place publique. Mot sublime et qui suffirait à la grandeur d'une nation. Plains-les, ceux qui ne comprennent pas une pareille pensée. Plains-les, ceux qui tremblent devant toi. Ils sont assez punis par le malheur de ne pas sentir en eux la confiance et l'enthousiasme qui élèvent à ton niveau toute âme droite, tout courage de Français. Plains-les, ce sont les émigrés du présent. Ils ne fuient pas derrière la frontière, mais leur conscience déserte la cause publique et leur âme renie la patrie. Attendons que l'air de la liberté les ranime. Donnons-leur le temps de comprendre et de guérir. Et si leur âme est morte, laissons les morts enterrer leurs morts, comme dit l'Évangile. Nous, notre affaire, c'est de vivre pour faire fructifier la vie. S'il faut souffrir encore, souffrir longtemps et beaucoup, souffrons. Cette fois, notre souffrance ne sera pas perdue. L'avenir nous en tiendra compte, et si nous mourons à la peine, nous mourrons contents. À toi, peuple, demain comme aujourd'hui.